dois raconter dans l'intro. Ce son est viril et que c'est pour tous les chiens que l'on aime de tout notre cœur. Non, on avait déjà trouvé l'intro. Mais c'est ça l'intro. Mandiou, non, c'est chier. Yal, non, nous paie pas fait aïe. Yal, oui, Mandiou, non, c'est chier. Yal, non, nous paie pas fait aïe. Yal, chier. Non, non, chier. Oui, c'est chier. Yal, chier. Non, non, chier. Des gros chier. Yal, chier. Non, non, chier. Oui, c'est chier. Yal, non, nous paie pas fait aïe. Ti et bavla qui bot jalo. Ou katuna, l'entounou. Kouane, si, si, ou t'es nous. Nous savons chez nous là toujours. Le kakoui d'ailleurs toute forme. Yo est en fesse, yo zaka pon. Call the police, call me shine one one. Papa les chinois pas crier ching cheng chong. Le kakoui d'ailleurs toute forme. Yo est en fesse, yo zaka pon. Call the police, call me shine one one. Papa les chinois pas crier ching cheng chong. Oui, mandiou, non c'est chier. Yal, non nous paie pas fait aïe. Yal, oui, mandiou, non c'est chier. Yal, non nous paie pas fait aïe. Yal, chien, non, non, chien, oui, c'est chien, chien, non, non, chien, chien, chien, non, non, chien, oui, c'est chien, non, non, paie pas fait aïe. Every man like dog, every man win win like dog, every man waff waff like dog, every man win win like dog, dog, dog, every man like dog, every man win win like dog, every man waff waff like dog, every man win win like dog, dog, dog, every man like.